Dans votre cyber-revue de presse, L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Nous en sommes à l'édition du 7 octobre 2010 et vous êtes à l'écoute des ondes de Choc FM, la radio officielle de l'Université du Québec à Montréal, l'alternative à Montréal et dans le monde. Je me nomme François Marginin, je serai avec vous pour la prochaine heure et demie. Nous avons cette semaine sur l'émission, alors regardons sur le bureau, j'ai devant moi plusieurs nouvelles de l'actualité, j'en ai au-dessus d'une centaine de pages. On a aussi le dossier de l'Iran, on va essayer de toucher un peu à ça, évidemment qu'on n'aura pas le temps de toucher à tout, mais je vous dis ce qui est sur le bureau, ce qui est disponible, alors on va essayer de passer au travers de le plus qu'on peut. J'aimerais parler un peu du Pakistan, alors d'autres nouvelles du Moyen-Orient, on va regarder ça un peu plus vers la fin de l'émission. Et on va aussi essayer de parler en début d'émission du fonctionnement de la manipulation des masses. Alors voilà, des derniers développements du climat. Alors on va essayer aussi de toucher un peu à ça. On va essayer, comme je vous dis, on n'a qu'une heure et demie. Alors on fait notre possible ici. Ensuite, une autre annonce, c'est confirmé. On va avoir M. John Turmel sur l'émission. Alors c'est un homme qui habite à Ottawa, et puis dans la région d'Ottawa, je crois, ou peut-être à Ottawa même. Alors, ce monsieur parle normalement anglais, mais aussi peut s'exprimer en français et a une connaissance assez surprenante, assez profonde du système bancaire, du système financier. Un peu de la même façon dont je vous en parle ici là, depuis des années. Alors, des fois, c'est bon d'avoir une autre perspective, d'avoir une autre façon de se le faire expliquer. Alors, cet homme a une connaissance incroyable. C'est un activiste. Il est dans le livre des records Guinness pour avoir été l'homme qui s'est présenté à le plus d'élections dans le monde. Alors, imaginez, c'est un homme extrêmement actif, beaucoup d'énergie. Qui a une compréhension très claire, très lucide du système financier. Et puis, il est allé même plus loin que ça. Il est allé avec aussi l'élaboration de solutions à ce système financier. Alors, lui, il a des solutions à proposer pour se sortir de ce système financier qui est fait volontairement, consciemment, pour appauvrir la population. Alors, voilà, ça devrait se passer normalement la semaine prochaine ou plus tard dans deux semaines, mais normalement la semaine prochaine, quoi. Alors, voilà pour les annonces. On va y aller avec cet article qui parle du fonctionnement de la manipulation des masses. Ça a été écrit par le linguiste nord-américain Noam Chomsky qui a élaboré une liste des 10 stratégies de la manipulation à travers les médias. Vous allez être capable de trouver cet article-là sur les nouvelles internationales, comme d'habitude, à chaque semaine. Alors, faites une petite recherche, les nouvelles internationales, ou cliquez sur le lien qui est sur la page de L'Autre Monde. Et vous allez retrouver là, à chaque semaine, toutes les nouvelles dont je discute ici. Alors, c'est une émission documentée, effectivement. Donc, Noam Chomsky qui a écrit cette liste-là, je la reproduis, comme je vous dis, sur les nouvelles internationales. Elle détaille l'éventail de la stratégie de la distraction en passant par la stratégie de la dégradation jusqu'à maintenir le public dans l'ignorance et la médiocrité. Noam Chomsky, qui est quand même bon, un homme assez lucide, là, il y a des choses qu'on peut lui reprocher, mais au niveau de la propagande médiatique, il est très bon. Il est très bon. Alors, numéro un, il parle de la stratégie de la distraction, qui dit que c'est l'élément primordial du contrôle social. La stratégie de la diversion consiste à détourner l'attention du public des problèmes importants et des mutations décidées par les élites politiques et économiques grâce à un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes. C'est très important là, que vous conceptualisez ces informations-là, que vous compreniez comment que l'information est manipulée, comment qu'on utilise des fois toutes ces techniques-là pour essayer de vous faire penser d'autres choses, pour essayer de façonner votre vision du monde et votre compréhension de ce monde. Alors, très important qu'on se penche là-dessus. La stratégie de la diversion est également indispensable pour empêcher le public de s'intéresser aux connaissances essentielles dans les domaines de la science, de l'économie, de la psychologie, de la neurobiologie et de la cybernétique. Garder l'attention du public distraite, loin des véritables problèmes sociaux, captivés par des sujets sans importance réelle. Garder le public occupé, occupé, occupé, sans aucun temps de pensée, de retour à la ferme avec les autres animaux. Extrait des Armes silencieuses pour guerre tranquille, un livre de Noam Chomsky. Deuxième stratégie, on l'appelle créer des problèmes puis offrir des solutions. Ça aussi, je vous en parle souvent sur l'émission. C'est la méthode qui est appelée problème, réaction, solution. Hein? On crée d'abord un problème, une situation prévue pour susciter une certaine réaction du public afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu'on souhaite lui faire accepter. Très intelligent. Par exemple, laisser se développer la violence urbaine ou organiser des attentats sanglants afin que le public soit demandeur de lois sécuritaires au détriment de la liberté. Hein, ça a été appliqué de façon générale dans nos sociétés occidentales, ici au Canada, en France, aux États-Unis, en Angleterre, et etc., etc. Alors, ou encore, on peut créer une crise économique pour faire accepter comme un mal nécessaire le recul des droits sociaux et le démantèlement des services publics. Ah, ben, voyez, ça semble bien coller à la réalité de ce qu'on vit actuellement. Trois, la stratégie de la dégradation. Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l'appliquer progressivement en dégradé sur une durée de 10 ans. Alors, ça aussi, c'est appliqué de façon rigoureuse. Vous aviez deux types de pensées, celle qui a cours en Europe surtout, où on appelle ça en anglais incrementalism, c'est-à-dire qu'on y va de façon étape par étape. C'est comme la grenouille. Qu'on met dans un pot tranquillement, qu'on échauffe la température de l'eau jusqu'à temps qu'elle atteigne le point d'ébullition. Et puis la grenouille, au lieu de sauter en dehors du pot, elle reste là. Et puis quand l'eau atteint un degré trop élevé, ben elle, il est trop tard et puis elle y passe. Alors, c'est plus subtil que d'y arriver tout de suite en amenant l'eau à ébullition tout d'un coup et puis d'y jeter la grenouille. Alors, ça, c'est bien la technique que l'élite européenne aime utiliser, alors que les Américains, surtout sous Bush et puis Obama aussi, là, ils vont, eux autres, surtout les néocons, là, il faut bien se le dire, là, ils sont allés, eux autres, de façon très arrogante avec, écoutez, on a le pouvoir, on vous écrase, qu'est-ce que tu en as à dire? Alors, voilà. Alors, ça, c'est la troisième stratégie. On l'appelle la stratégie de la dégradation. Alors, c'est de cette façon que des conditions socio-économiques radicalement nouvelles, comme le néolibéralisme, ont été imposées durant les années 1980 à 90. Chômage massif, précarité, flexibilité, délocalisation, salaire, n'assurant plus un revenu décent, autant de changements qui auraient provoqué une révolution s'ils avaient été appliqués brutalement, mais en y allant de façon graduelle sur des longues périodes de temps, les gens s'en rendent pas compte et puis finalement, les gens ne se ramassent pas dans les rues et puis réclamer la tête du gouvernement. Numéro 4, on l'appelle la stratégie du différé. C'est une façon de faire accepter une décision impopulaire et de la présenter comme douloureuse mais nécessaire. Ça aussi, on l'a souvent entendu, hein? En obtenant l'accord du public dans le présent pour une application dans le futur. Il est toujours plus facile d'accepter un sacrifice futur qu'un sacrifice immédiat, n'est-ce pas? D'abord parce que l'effort n'est pas à fournir tout de suite. Ensuite, parce que le public a toujours tendance à espérer naïvement que tout ira mieux demain et que le sacrifice demandé pourra être évité. Enfin, cela laisse du temps au public pour s'habituer à l'idée du changement et accepter avec résignation lorsque le moment sera venu. Numéro 5, on s'appelle s'adresser au public comme à des enfants en bas âge. Ça aussi, j'en ai parlé souvent, voyez. La plupart des publicités destinées au grand public utilisent un discours, des arguments, des personnages et un ton particulièrement infantilisant, souvent proche du débilitant, comme si le spectateur était un enfant en bas âge ou un handicapé mental. Plus on cherchera à tromper le spectateur, plus on adoptera un ton infantilisant. Pourquoi? Si on s'adresse à une personne comme si elle était âgée de 12 ans, alors, en raison de la suggestibilité, elle aura, avec une certaine probabilité, une réponse, une réaction aussi dénuée de sens critique que celle d'une personne de 12 ans. Ça aussi, ça vient du livre de Armes silencieuses pour guerre tranquille de Noam Chomsky. Numéro 6, faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Faire appel à l'émotionnel est une technique classique pour court-circuiter l'analyse rationnelle et donc le sens critique des individus. De plus, l'utilisation du registre émotionnel permet d'ouvrir les portes d'accès à l'inconscient pour y implanter des idées, des désirs, des peurs, des pulsions ou des comportements. Septième stratégie, maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Alors, ça, c'est très répandu. Faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies et les méthodes utilisées pour son contrôle et son esclavage. La qualité de l'éducation donnée aux classes inférieures doit être la plus pauvre, de telle sorte que le fossé de l'ignorance qui isole les classes inférieures des classes supérieures soit et demeure incompréhensible pour les classes inférieures. Numéro 8. Encourager le public à se complaire dans la médiocrité. Alors, ça aussi, c'est la nouvelle mode. Regardez les jeunes enfants, les adolescents. Plus on est sans dessin, plus on est cave, plus on est ignorant, mieux c'est cool. Donc, on encourage le public à trouver cool le fait d'être bête, vulgaire et inculte. 9. Remplacer la révolte par la culpabilité. Faire croire à l'individu qu'il est le seul responsable de son malheur à cause de l'insuffisance de son intelligence, de ses capacités ou de ses efforts. Ainsi, au lieu de se révolter contre le système économique, l'individu s'auto-dévalue et culpabilise, ce qui engendre un état dépressif dont l'un de ses effets est l'inhibition de l'action. Et sans action, pas de révolution. Et la dernière technique, la 10e, connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Au cours des 50 dernières années, les progrès fulgurants de la science ont creusé un fossé croissant entre les connaissances du public et celles détenues et utilisées par les élites dirigeantes. Grâce à la biologie, la neurobiologie, la psychologie appliquée, le système, entre parenthèses, est parvenu à une connaissance avancée de l'être humain, à la fois physiquement et psychologiquement. Le système en est arrivé à mieux connaître l'individu moyen que celui-ci ne se connaît lui-même. Cela signifie que dans la majorité des cas, le système détient un plus grand contrôle et un plus grand pouvoir sur les individus que les individus eux-mêmes. Voilà qui est intéressant. Alors, gardez ça à l'esprit. Allez relire ça tranquillement. Réfléchissez. Prenez le temps vraiment là, de laisser décanter ça dans votre esprit pour vraiment vous immuniser. Ça, c'est des vrais vaccins. Des vaccins pour l'esprit, des vaccins pour le mental, pour vous protéger finalement des infections, de la propagande et de la désinformation, de la manipulation des informations. Alors, un coup que vous êtes conscient de ça, vous allez à ce moment-là vous protéger mentalement et puis être capable à ce moment-là de mieux vous dépendre, de vous défendre et de vous, je dirais, de vous informer, OK, de façon beaucoup plus objective et plus précise. Parlant de ces médias, vous allez trouver dans les nouvelles de l'actualité qu'on a aux États-Unis de plus en plus de méfiance envers les journaux. En fait, c'est plus que de plus en plus de méfiance envers les grands médias traditionnels. On a atteint des sommets, des records. Okay? Alors, vous avez ici la maison de sondage très importante en Amérique qui s'appelle Gallup, qui a fait un sondage aux États-Unis et qui a trouvé que pour une quatrième année d'affilée, la majorité des Américains se sont dit très méfiants ou légèrement méfiants des médias de masse par rapport aux nouvelles qu'elles diffusent. OK? Alors, ça, c'est quand même c'est assez impressionnant. Vous voyez que les gens, quand même, justement, se réveillent, deviennent de plus en plus immunisés à ces mensonges et manipulations-là. On est rendu à 57% des Américains qui n'ont aucune confiance ou très peu de confiance envers les médias. Alors, c'est très révélateur et puis ça l'explique pourquoi justement que les médias libres, les médias de masse sont en chute libre. Okay? Ensuite, ça aussi, c'est reflété par le type de nouvelles qu'on voit. Vous avez sûrement entendu parler cette semaine des grands médias qui essayent de vous séparer en disant que là, on risque une nouvelle menace terroriste, une nouvelle attaque terroriste sur le sol européen. Ça, c'est sorti des médias américains. Évidemment que ça a comme source le gouvernement américain. Et celui aussi de l'Angleterre, OK? Et puis, on vous dit que là, faites attention, on a même émis des avertissements pour les voyageurs, les ressortissants américains, les voyageurs américains, les touristes qui voyagent vers l'Europe, alors d'être prudents. Et le Japon en a fait de même aussi. On dit qu'on a des doutes, des indices pour croire que l'Al-Qaïda est pour lancer une attaque majeure sur différents sites en Europe. Alors, propagande encore, c'est incroyable. Vous avez d'ailleurs la Grande-Bretagne qui s'est contredit là-dedans, a émis des annonces comme quoi que là, il fallait faire bien attention. Après ça, vous avez une autre nouvelle ici qui est sortie dans le Guardian, alors un journal anglais dans lequel on dit ici qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il y a des risques plus élevés d'une attaque terroriste. Alors, certaines personnes disent que oui, certaines personnes disent que non. Vous avez certains services du renseignement qui sont sortis, des agents. Qui ont déclaré qu'il n'y avait pas vraiment de fondation par rapport à ça, il n'y a aucun fondement. Alors, voyez qu'on essaie encore là de monter le niveau de la menace terroriste. Alors, ça, c'est des avertissements qui ont pour origine surtout du gouvernement américain. On veut garder les gens épeurés. On veut garder les gens déséquilibrés dans la venue des élections qui s'en viennent au mois de novembre. Alors, on fait tout le temps pareil. Bush a fait pareil. Obama fait pareil. Alors, on essaye d'épeurer les gens. C'est assez incroyable. Alors que vous devez aussi comprendre que ces rapports-là qui disent qu'apparemment l'Al-Qaïda va faire ses efforts en Europe, ça a coïncidé avec des attaques de drones américains et des hélicoptères en territoire pakistanais et puis sur la frontière avec l'Afghanistan. Et puis, on a tué plusieurs civils. Alors, ça aussi, c'est des nouvelles que vous allez retrouver dans les nouvelles du Moyen-Orient. Alors, vous voyez qu'on essaie de détourner l'information, la tension, surtout de cette façon. Alors, on dit attention, attention, une grosse attaque qui risque d'arriver de l'Al-Qaïda. Pendant ça, boum, boum, on largue des bombes. On est en train de mener une nouvelle guerre non déclarée au Pakistan. On tue des dizaines et des dizaines de personnes. Allez voir les nouvelles par rapport à ça. Vous avez Obama qui a déclaré que le cancer était au Pakistan. Ça vient du Washington Post. Alors, voyez, on utilise vraiment des termes assez effrayants. C'est effrayant. Vous avez le président Obama qui semble suivre l'agenda de Zbigniew Brzezinski, qui a écrit The Grand Chessboard, alors la stratégie pour conquérir le Moyen-Orient. Alors, c'est assez incroyable. Alors, on dit que maintenant, l'Al-Qaïda et les talibans se réfugient au Pakistan. Puis là, il faut utiliser des drones et puis larguer des bombes. Et puis, on tue un paquet de civils. Et puis même, la semaine passée, on a tué 3 soldats, je me rappelle bien. Alors, ça aussi, c'est assez incroyable. Donc, on tue des gens. Le Pakistan est évidemment très, très, très fâché. On n'est pas content de ce qui se passe là. Alors, on a mis un frein à la route d'approvisionnement militaire, OK, vers l'Afghanistan. Alors, les Américains utilisent le Pakistan pour amener de 75 à 80 % de tout son équipement militaire. Alors, on parle autant de vivres, d'eau, de pièces mécaniques, de camions, de munitions. Alors, un paquet comme ça d'approvisionnement auquel on a mis fin. On a eu même des attaques sur le convoi. Alors, voilà qui est assez radical. Alors, le Pakistan qui s'est dit, écoutez, là, vous commencez à tuer de nos propres soldats, vous tuez de nos civils. Alors, nous, on va arrêter de coopérer avec vous. Alors, évidemment que les États-Unis ont fait le saut. Là, on commence à avoir des sérieux problèmes. On a élaboré 3 autres possibilités, 3 routes possibles pour acheminer ce matériel-là, mais ça va coûter énormément d'argent. Vous savez, déjà, pour acheminer 1 litre de pétrole en Afghanistan, ça coûte à l'armée américaine 800 $ américains pour 1 gallon, excusez-moi, pour 1 gallon de pétrole qu'on achemine à travers le Pakistan, ça coûte déjà 800 $ américains. Alors, imaginez le prix que ça va coûter pour passer par des routes qui sont beaucoup plus longues et beaucoup plus risquées. Okay? Vous avez ici une autre nouvelle où on confirme que 3 000 soldats, 3 000 agents de la CIA conduisent des opérations en sol pakistanais. Alors, on a vraiment ici devant nous une guerre secrète, une guerre non déclarée en sol pakistanais, une guerre américaine de plus, et qui commence à faire des ravages et avoir des conséquences très sérieuses. Alors, on tue des civils, la CIA qui continue à donner de l'ampleur, de l'expansion à ses opérations au Pakistan. Alors, vous avez ici le Wall Street Journal qui parle de ça. On a des attaques secrètes militaires, donc on lance des bombes, on largue des bombes en sol pakistanais et on ouvre différents fronts. Alors, vraiment une guerre complètement incroyable, en train de déstabiliser le Pakistan. Et vous avez évidemment là ici un plan de mettre la main sur l'arsenal nucléaire pakistanais. Alors, essayer de blâmer le Pakistan comme étant instable et justifier l'action militaire américaine en sol pakistanais. Et c'est déjà commencé. Alors, on n'attend même pas trop les justifications. C'est déjà commencé. Voilà quoi. Donc, allez voir ça. C'est assez incroyable. Vous avez ici MSNBC, Rachel Maddow, qui a déclaré sur les ondes que les États-Unis est en train justement de mener une guerre assez épeurante au Pakistan, une nouvelle guerre. Alors, on l'appelle la guerre AFPAC, okay? Donc c'est le nouveau terme américain, militaire américain. Donc, voilà quoi, on est en train de voir les Américains mener des guerres dans 3 pays, donc l'Afghanistan, l'Irak et le Pakistan. Donc, une paquet ici, une série de nouvelles, allez voir là-dessus. Le Pakistan qui a arrêté l'acheminement, comme je vous dis, une nouvelle très significative cette semaine. Et n'oubliez pas ici qu'on a des nouvelles qui ont été publiées aussi, que l'armée américaine a été obligée d'admettre que justement, c'est le programme qui gérait ces attaques à drones, à missiles. Alors, on dit que c'est très précis, qu'on est capable de vraiment cibler ceux qu'on veut attaquer. Et on a appris dans les derniers temps, les dernières semaines, dans les dernières semaines que ce programme-là était défaillant et puis que la précision n'était que d'environ 40 pieds. Alors, 40 pieds, on parle d'une douzaine, quinzaine de mètres. Alors, bye-bye la précision. Je veux dire, on n'a aucune précision. On peut vouloir larguer une bombe sur telle maison puis avoir atteint celle du voisin. Alors, c'est ce qui arrive. Alors, vous avez ici une nouvelle 28 camions d'acheminement des réserves de pétrole qui ont été attaqués, qui ont explosé. 6 personnes qui ont été tuées dans ce convoi-là. Et puis, vous avez le Pakistan qui refuse de rouvrir cette route d'acheminement du matériel américain. Alors, situation très, très sérieuse, là. Allez voir ça, là. C'est vraiment particulier, OK? Bin Laden qui apparemment se cache là-bas. Alors, on essaie tout le temps d'utiliser cet homme qui est mort depuis plusieurs années. Hein? Donc, évidemment, c'est pour essayer de vous faire en sorte que la population supporte les opérations militaires américaines en Afghanistan. Alors, ce fameux Bin Laden qui apparemment même apparemment a lancé un message pour pousser la population mondiale à prendre des actions pour protéger le climat. Alors, voilà, c'est incroyable. Vous avez le nouveau porte-parole du mouvement pour le réchauffement climatique, Bin Laden. Alors, ça a été même rapporté par Reuters. Imaginez, incroyable. C'est vraiment complètement débile. Un homme qui est mort et puis là, on essaie d'utiliser cet homme-là pour essayer de pousser la... En tout cas, je veux dire... Bin Laden, qui apparemment, là, un homme mort qui se soucie du réchauffement climatique. Alors, vraiment incroyable. Vous avez même le FMI qui a demandé pour plus de sang dans les régions ravagées par les inondations au Pakistan. Alors, le FMI, lui, qui continue à pousser pour des sanctions, pas des sanctions, mais pour mettre des réformes économiques dans le pays. Alors, on utilise son pouvoir justement pour mettre plus de pression sur le Pakistan. C'est complètement débile. Alors, allez voir ça. Donc, Pakistan, oui, ça brasse, ça brasse. Et puis, ben voilà quoi. On essaye après ça, pendant que tout ça se passe là au Pakistan, de vous détourner l'attention et puis de vous faire à croire que là, l'Al-Qaïda va essayer de frapper l'Europe. Alors, vous voyez, les médias, d'un côté, ne vous rapportent pas la vérité de ce qui se passe au Pakistan. Et puis après ça, on vous raconte des niaiseries pour essayer de vous épeurer par rapport à des supposées actions de l'Al-Qaïda. Hein, l'Al-Qaïda, qui est une création de la CIA, qui apparemment voudrait attaquer l'Europe. Hein. Donc, si vous avez supposément des attaques terroristes en sol américain ou au sol européen, qui supposément auraient été faites par l'Al-Qaïda, grattez-vous la tête, commencez à vous poser des questions et poussez un peu plus loin vos recherches de grâce, de grâce. OK? Alors, toutes ces informations-là, ces avertissements du gouvernement américain-là, comme quoi il y aurait des attaques terroristes qui se produiraient, qui risqueraient de se produire en sol européen, européens ne sont basés sur absolument rien. Okay? Alors, vous avez d'ailleurs l'Allemagne qui a publié une nouvelle, le gouvernement allemand qui, lui, a essayé de calmer les jeux, a dit que le gouvernement américain et britannique ont utilisé encore là de trop d'exagération pour essayer de d'épeurer la population. Là, on essaie de calmer les jeux. L'Allemagne a déclaré qu'il n'y avait pas de signe immédiat comme quoi qu'il y aurait une menace contre l'Allemagne. Alors, ça aussi, c'est important là, de voir ces gros joueurs-là qui disent, écoutez, là, de quoi vous parlez, là, une menace. On n'a aucune raison ici de croire qu'il y a une menace là, plus grande que le mois précédent, que l'année passée. Pendant ce temps-là, ben, vous avez M. Chertoff, hein, Chertoff qui est Michael Chertoff, qui se trouve à être le directeur du Homeland Security aux États-Unis, qui lui, hein, vous vous rappelez, dans cette fausse menace, cette fausse attaque terroriste qu'on a eue, Abdulmutallab, qui apparemment aurait voulu faire sauter un avion d'Amsterdam vers les États-Unis. J'en ai parlé, je crois, la semaine passée, une affaire complètement montée par les services secrets. C'est un des agents des services secrets américains qui l'a mis sur l'avion. Okay, pendant ce temps-là, ce gars-là aussi avait passé les fameux scanners corporels 360 degrés, les scanners pornographiques qui endommagent même votre ADN, okay, qui sont cancérigènes, qui sont dangereux. On irradie votre corps littéralement. Un passé à travers ces scanners-là, les scanners n'ont jamais détecté de bombe et puis monté sur l'avion. Alors voilà pour la fiabilité de ces machines-là. Et puis après ça, on a appris que Michael Chertoff avait des parts dans une de ces compagnies-là qui vend de ces fameux scanners corporels. Alors, regardez les conflits d'intérêts absolument incroyables. Et puis là, on essaye de monter la menace en Europe. Et puis là, bidi bing badabang, on arrive dans un article de AP où c'est qu'on a une citation de l'ancien directeur. Ouais, j'ai dit, il a été directeur. C'est l'ancien directeur du Homeland Security, Michael Chertoff, qui lui a dit, écoutez, là, achetez mes scanners corporels, l'Europe en a besoin. Et puis, vous avez même Janet Napolitano qui a annoncé que là, il faudrait. Qui a annoncé que là, écoutez, elle, finalement, elle essaie de forcer les gens à utiliser ces fameux scanners-là dans des pays étrangers. Alors, on essaie de pousser ce fameux racket-là sur les pays européens. Alors, ces gens-là qui essaient d'un côté de vous épeurer, et puis après ça, on vous donne une solution. Alors, problème, réaction, solution. J'en ai parlé au début de l'émission. Alors, voilà une application littérale. Alors, ces gens-là qui sont en grave conflit d'intérêts, on vous dit qu'il y a des menaces. Après ça, ils disent, ben, écoute, t'as acheté nos produits. Les machines, je crois, si je me rappelle bien, coûtent un quart de million chaque. Alors, hein? Donc, voilà. En plus, ben, voyez ces grands médias qui sont supposément tellement fiables. Ben, là, on apprend ici dans une nouvelle que l'armée américaine a utilisé des stations de télévision locales pour s'en servir comme poste d'entraînement pour des soldats américains qui travaillent dans la section des PSY-OP qu'on appelle, alors des opérations psychologiques. Alors, vous avez des départements dans l'armée qui travaillent sur les opérations psychologiques. Alors, on manipule l'information, on achète différentes nouvelles, on présente des fausses nouvelles sur les médias télévisés. On achète carrément des journalistes pour parler en bien, pour cacher d'informations dans différents réseaux. Et puis là, on apprend que vous avez plusieurs stations, comme ici, une filiale de CBC, donc qui s'appelle WTOC, et qui a justement servi comme ça. Vous en avez d'autres aussi, là, d'autres stations. Vous avez une qui s'appelle WRAL, qui ont fait un accord avec l'armée pour justement que ces soldats-là puissent venir dans leur studio et puis apprendre comment fonctionne toute cette industrie de l'information médiatique. Et puis après ça, ben, on va être capable de former des bons soldats qui sont capables de manipuler la pensée des gens. Alors, voyez encore là, bravo pour la confiance maintenant que ces gens-là bâtissent hein, dans la population. Évidemment, quand on voit ça, on se demande qu'est-ce que ces grands médias-là font. Hein? On se demande vraiment pour qui ils travaillent. Alors, voilà, c'est absolument débile. Alors, ça aussi, c'est toute une nouvelle révélatrice. C'est arrivé aussi dans plusieurs autres journaux. C'est arrivé même à CNN, où CNN a été obligé d'ailleurs d'admettre ça. Vous avez ici un journal hollandais qui avait reporté là-dessus, vous avez des troupes qui travaillaient sur des PSYOPs comme ça, qui avaient été placées dans la chambre des nouvelles de CNN, okay, sous un programme que CNN a terminé, a mis fin. Et puis CNN avait été obligé d'admettre qu'ils avaient fait une erreur. qui avait été inapproprié justement d'engager du personnel militaire à CNN. Et puis après ça, que ça ne se reproduirait plus jamais. Et comme par hasard, ben ça s'est reproduit. Alors CNN qui a donné du temps d'antenne à des officiers en 2007 et en 2008, malgré la promesse qu'ils avaient faite. Alors voilà, incroyable. Même vous avez même le Chicago Tribune qui pour plusieurs années avait permis aussi à ces officiers-là d'être dans leur studio. Alors incroyable, n'est-ce pas? Donc, voilà pour les nouvelles médiatiques de l'actualité à ce niveau-là. Je vais vous donner ici quelques nouvelles de l'économie rapidement avant de partir en pause musicale. Vous avez l'ancien directeur de la Fed, de la Banque centrale aux États-Unis, qui s'appelle Monsieur Volcker, Paul Volcker, qui a déclaré que le système financier américain est insolvent. C'est insolvable, OK, et complètement ruiné, brisé, OK. Alors voilà, ça vient de la tête, l'ancienne tête de la Banque centrale des États-Unis. Alors écoutez, ça aussi là, c'est des signes incroyables. Comme je vous le dis, l'économie va subir un violent tremblement de terre. Ça se prépare tranquillement. Ça va se produire quand? Difficile à dire. Ma prédiction, c'est d'ici, je dirais, le mois de novembre à je dirais début de l'hiver, milieu de l'hiver, probablement jusqu'au mois de mars, là, ça risque de vivre de quoi d'assez catastrophique. Préparez-vous, sortez de dette, achetez de l'or physique et de l'argent physique. Réellement, là, sortez du stock market. Ça, c'est si vous avez réellement, là, écoutez, là, ça, c'est mon opinion, là, je sais pas des conseils d'un professionnel, là, et réellement, là, je veux dire, retombez-moi pas ça à la tête, là, si vous avez perdu de l'argent, là, mais je vais vous dire, à 95%, je suis certain de mon affaire, là, si vous êtes dans le stock market, là, vous avez, des actions, là, dans le système boursier, là, sortez de là, ça presse, OK? Si vous voulez voir, là, ce qui va arriver avec ça, là, je veux dire, regardez les nouvelles, là, que j'ai sorties les dernières semaines, et puis celles qui vont sortir tout au long de l'automne, et puis vous allez comprendre, là, que ça va pas bien, là. Regardez le prix de l'or, le prix de l'or qui vient de passer le cap des 1330, 1340, je crois. Et puis ce n'est que le début. Okay? On s'en va vers les 1400, 1500 l'or, et puis ça pourrait aller bien plus haut que ça. Okay? Vous avez Joseph Stiglitz. Alors, lui aussi, c'est l'ancienne tête du FMI. Du FMI ou de la Banque mondiale. Tiens, c'est drôle, ça vient de m'échapper, là. Je crois que c'est du FMI. En tout cas, une de ces deux-là. Donc, vous voyez, c'est pas encore. C'est pas un débutant, c'est pas un novice, c'est pas un rookie qui vient d'arriver, là. C'est un ancien insider des plus hautes sphères de l'économie mondiale que lui s'est reviré de bord, s'est mis de notre côté, commence à nous révéler le fonctionnement de tout ça. Et puis là, vous voyez, c'est un des top économistes du monde qui vient de nous avertir aussi que le futur de l'euro ne regarde pas bien du tout, n'augure pas bien. Vraiment, là, c'est d'ailleurs, j'avais eu un invité qui s'appelait, comment il s'appelait lui, Monsieur Tremblay, j'ai oublié son prénom, un économiste important aussi qui, plusieurs années, je crois que ça fait 3 ans, j'ai lu sur l'émission, ça m'avait surpris au moment où il avait dit ça, il avait dit que lui, il prédisait que l'euro ne survivrait pas. Et puis, il semble que le monsieur, réellement, là, avait raison. Alors, voilà, l'euro, là, qui, réellement, là, n'augure pas bien, semble avoir subi des dommages irréparables. Et puis, là, vous avez ces vagues d'austérité qui sont en train de balayer tout le vieux continent. Alors, ça aussi, là, ça ne regarde pas bien, qui risque justement d'attaquer, d'arriver sur les côtes américaines. Ça risque d'attaquer là, réellement là, le reste du monde aussi. Alors, vous avez plusieurs pays comme ça qui sont obligés de couper dans leurs dépenses et ça risque évidemment, là, on risque d'avoir carrément des États qui vont se retirer de l'euro d'ici les prochains mois, peut-être les prochaines années, mais on risque d'arriver là, de voir un effet domino. Alors, regardez ça. Inside Job, un nouveau documentaire qui expose comment que les banquiers internationaux et puis les banquiers privés nationaux continuent de voler notre argent. Vous avez une vidéo très importante là-dessus. Un autre ici, voyez les banquiers qui se disent vraiment là les meilleures personnes au monde. Vous avez même Goldman Sachs qui avait dit que les banquiers étaient en mission de Dieu, littéralement là. Je veux dire, vous avez ces banquiers-là qui sont complètement délurés, les plus grands gangsters qu'on a connus de toute l'histoire de l'humanité. Et voyez ici une nouvelle du Télégraphe qui est sortie où on apprend que vous avez au-dessus de 7 000 plaintes qui sont logés à chaque jour contre les banques en Grande-Bretagne seulement. OK? 7 000 plaintes. Alors, pensez-vous que vous avez un bon service des banquiers privés? Alors, voyez, continuez. C'est comme ça que ça va fonctionner. C'est comme ça qu'on passe à l'action, chers auditeurs. Faites-en des plaintes. Plaignez-vous à tout le monde. Plaignez-vous aux médias. Plaignez-vous aux banquiers. Plaignez-vous au gouvernement. Plaignez-vous à tout le monde. Je veux dire, ces gens-là vous volent littéralement. Vous volent votre argent. Créez de l'argent nulle part. Parce que vous autres, vous y donnez des collatéraux. Et puis après ça, on crée de l'argent que vous devez rembourser plus intérêts. C'est la plus grosse fraude économique de tous les temps. Ici, on a une autre nouvelle, la Réserve fédérale qui est en train de devenir le plus grand déteneur de la dette américaine. Et puis ça s'est passé juste en l'espace d'un mois. C'est incroyable. Vous avez la Fed, comme je vous disais la semaine passée, qui est en train de monétariser la dette. Alors, plus personne ne veut acheter la dette américaine. Alors, on monétarise la dette. Alors, ça, c'est la plus grande catastrophe qui peut arriver. Ça crée une inflation incroyable. L'argent américain va subir une dévaluation très grave dans les prochains mois à venir. Ensuite, vous avez ici une autre nouvelle où on parle, c'est de Road to the World War III. Alors, le chemin qui va nous mener à la Troisième Guerre mondiale. Vous avez le cartel bancaire global qui n'a plus qu'une carte dans son jeu. C'est un article très intéressant que vous pouvez trouver sur Global Research. Alors, ici, on parle dans cet article-là que les maîtres banquiers, c'est assez évident qu'on voit que ces gens-là sont en train de préparer la guerre, OK? Au cas où vous l'aviez manqué, vous avez les États-Unis, Israël et puis l'OTAN, qui sont en alliance ensemble, qui sont en train, là, vous voyez, là, de préparer des guerres contre l'Iran, le Liban, la Syrie, la Corée du Nord, Venezuela, la Russie et la Chine sont en train de réellement préparer ça. Alors, voyez ça. Regardez comment ça se passe. Les banquiers internationaux qui ont vraiment une part importante à jouer là-dedans. Ensuite, on a une nouvelle ici de Alan Grayson, qui est un républicain, un représentant, un congressiste américain, qui a produit une vidéo YouTube où on explique ici comment que justement, on a une nouvelle crise aux États-Unis. J'en ai parlé un peu les semaines passées, où vous avez des banques qui ont repris de finances des maisons qui leur appartenaient même pas. Imaginez-vous donc, là, je veux dire, quand on parle de fraude bancaire, là, c'est incroyable. Là, je veux dire, ça vous sort de les oreilles. Là. Il y en a, c'est incroyable. Je veux dire, les banquiers internationaux, je le répète encore, ont perpétré sur la population mondiale la plus grande fraude financière économique de tous les temps. Je veux dire, on vous vole littéralement. Je veux dire, la dernière guerre qui reste à mener dans le monde, c'est la guerre de la population contre les banquiers internationaux et ce système économique qui est basé sur la dette, un système économique qui est basé sur qu'on appelle fractionnaire bancaire, là, le système fractionnaire bancaire, où on crée tout simplement de l'argent à partir de nulle part et on vous charge des intérêts en plus sur ça. Alors, allez voir ça, une autre crise, une autre fraude incroyable, des banques qui ont repris de finances des maisons qui ne leur appartenaient pas du tout. Alors, on a ici des milliers de maisons qui ont été reprises de finances et qui sont une fraude totale. Alors, on jette des familles sur le pavé, on jette des familles à la rue. Et puis, pendant ce temps-là, ben, vous avez des gros banquiers comme JP Morgan Chase, vous avez GMAC et d'autres gros banquiers comme ça qui ont récolté, écoutez, des millions de dollars. Je veux dire, on a repris de finances des dizaines de milliers de maisons. OK? Alors, ça s'est passé dans plus de 6 États aux États-Unis. Mauvaise nouvelle pour les démocrates. Vous voyez des pertes d'emplois qui sont encore à la hausse aux États-Unis. Alors, plusieurs pertes d'emplois dans les derniers quarts financiers. Alors, vous voyez ça juste avant les élections du mois de novembre. Alors, ça ne regarde pas bien du tout. La récession qui risque d'être dans les doubles chiffres, alors au-dessus de 10%. Ça aussi, c'est une autre nouvelle qui vient d'un économiste, John Williams, de shadowstats.com. Lui, on dit ici que on parle de récession qui n'est pas à veille de se terminer du tout. Alors, même que le prospect financier est très sombre pour les prochains mois à venir. OK? Alors, très intéressant de voir plus de nouvelles là-dessus. Vous avez aussi des manifestations immenses à travers l'Europe au complet par rapport à ces mesures d'austérité. Alors, voyez les banquiers internationaux qui vous volent ont carrément engendré, créé volontairement, sont des artisans volontaires et conscients de cette crise économique, de cette dépression mondiale, on vous vole l'argent carrément. Je veux dire, on a joué au grand casino mondial avec le marché des produits dérivés, et puis après ça, on vous fait payer la facture à vous en vous disant qu'on doit vous imposer des mesures d'austérité. Alors, une arrogance incroyable de ces gens-là. Et puis, heureusement que la population européenne, qui sont beaucoup plus lucides et éveillées qu'ici la population en Amérique du Nord, où on dort carrément au gaz. Ici, je ne sais pas qu'est-ce qu'on met dans l'eau, dans la nourriture, mais les gens dorment au gaz. Tandis qu'en Europe, on est en train de se réveiller, puis on a vu des manifestations immenses, des grèves générales, alors incroyables. En Espagne, 10 millions de travailleurs qui ont descendu dans les rues, qui sont descendus dans les rues, grève générale. Alors bravo pour ces gens-là. Vous avez à peu près 70% des travailleurs espagnols qui sont descendus dans les rues pour une grève générale. Alors bravo pour vous autres, les secteurs miniers, du métal, de manufacturier, de l'auto, électronique, de l'industrie de la pêche, des industries autres aussi ont participé. Alors, on était quasiment autour de 100% de participation de ces gens-là. Vraiment, je vous salue bien bas, les gens de ces pays-là. Et j'espère qu'ici en Europe, en Amérique, on va en faire pareil bientôt, qu'on va se réveiller, puis qu'on va voir qu'on nous vole en plein jour. Vous savez, il y a toutes sortes de photos, des nouvelles là-dessus. Vous avez ici une étude qui parle que les guerres américaines vont coûter aux Américains plus de 4 trillions à 6 trillions de dollars. Incroyable. Vous avez ici des différents auteurs d'un livre qui ont publié ça. Alors, on avait évalué jusqu'ici à ce que les guerres coûteraient entre 1 et 3 trillions de dollars. Alors, on parle de 1 000 à 3 000 milliards de dollars. Et on vient de réviser ces chiffres-là. On est maintenant rendu de 4 à 6 trillions de dollars. Alors, de 4 000 à 6 000 milliards de dollars. Et puis après ça, on se demande pourquoi que l'économie américaine est dans le trou, est dans le rouge, est en train de faire banqueroute. Si les États-Unis arrêtaient de jouer les gendarmes, les criminels de guerre, OK, je veux dire les psychopathes mentaux mondiaux, on parle pas du peuple américain en général. Le peuple général en général américain est contre ces guerres-là, OK? Il faut bien comprendre ça, là. Vous avez l'élite, on parle tout le temps de l'élite ici, OK? La classe dirigeante, c'est la même affaire pour tous les autres pays. On parle du Canada, de la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Israël, je veux dire, la Chine, tous les pays en général, en tout cas autour de la planète, sont aux prises avec des dirigeants, une classe dirigeante psychopathe, complètement malade mentale. Okay? Le peuple en général, je dirais 95 à 99% du monde, sont du monde bien normal, qui veulent vivre leur vie tranquille, en paix, et qui sont absolument contre toute forme de violence et de guerre comme ça. On s'entend là-dessus. Okay? Alors, si la classe dirigeante, la classe guerrière, la classe de guerre. Alors, moi, je ne parle plus de parti démocrate et puis parti républicain, les libéraux, les conservateurs, NPD, je veux dire Bloc québécois, nommez-les. C'est toute la même affaire. C'est des partis de la guerre, c'est des partis qui travaillent pour les corporations, pour le secteur financier, les banquiers internationaux. Essayez de sortir de ce paradigme de droite et de gauche. Il n'y a plus de droite et de gauche. Il n'y a plus de républicains et démocrates. On a affaire à un dilemme. C'est le dilemme de la tyrannie versus la liberté. Alors, on est rendu là. On est rendu à ce point-là historiquement, à peu près à travers la planète en entier. C'est la lutte de la population qui veulent la liberté contre la classe dirigeante qui veulent imposer leur tyrannie. On en est là. Alors, si vous aviez cette classe dirigeante américaine qui cessait de mener la guerre à travers le monde, fermaient leurs bases américaines, terminaient leur guerre au Moyen-Orient, qui sont complètement illégales et criminelles et immorales, eh bien, vous verriez, les États-Unis ont une bien meilleure santé économique, mais ce n'est pas le cas. On dépense de l'argent comme c'est incroyable, et puis après ça, on donne la facture aux Américains. Après ça, vous avez une nouvelle génération qui revient au pays de ces fronts guerriers-là, de ces guerres-là, complètement malades mentales. Ces gens-là je dirais, on vient de scraper. On vient de détruire une génération complète qui reviennent au pays, soit dans des cercueils ou ben non mutilés ou tout simplement, je dirais, très affectés mentalement, là, OK? Alors, très important d'avoir ça à l'esprit. Alors, ça commence à bouger. Il y a des bonnes nouvelles. Ici, en Islande, on vient de condamner un de ces premiers artisans de la grande crise qui a frappé l'Islande de plein fouet. On a accusé cette personne-là d'avoir été responsable de cette grande dépression que l'Islande s'est pris en plein dans les dents et on vient de le condamner à la prison. Alors voilà ce qui devrait être fait dans tous nos pays. On devrait tout simplement lancer ces gens-là dans des volcans actifs. les pendre, je sais pas moi, ressortir de la guillotine, peu importe, je veux dire, ces gens-là qui ont causé la misère de millions de personnes économiquement parlant, on a dévalué leur monnaie, on a détruit des épargnes que des gens ont pris des dizaines d'années à accumuler, des fois toute leur vie. Je veux dire, oui, ces gens-là sont responsables d'un crime énorme et puis devraient être punis à la hauteur de leur crime. Alors, vous avez différentes nouvelles ici, une vidéo sur les banques qui sont en train de perdre le contrôle sur le prix justement des métaux précieux, de l'argent et de l'or. Allez voir ça. Les super riches investisseurs qui achètent de l'or par tonne, alors à la tonne. Les personnes les plus riches de la planète qui commencent à répondre à ces inquiétudes économiques-là en achetant de l'or, même de l'or en barre. Alors, voyez ça. C'est pas surprenant que les prix de l'or augmentent. Et ensuite, vous avez la dernière nouvelle ici, 2840 millionnaires qui ont demandé des bénéfices pour avoir perdu leur ouvrage en 2008. Alors, ça aussi, c'est assez incroyable. Alors, même les millionnaires ont de la misère. Et on réclame des bénéfices pour le chômage. Alors, quand je dis que ça va pas bien, ça ne va pas très bien. Alors, on va y aller maintenant avec une petite pause musicale. On va revenir après ça avec les nouvelles de l'actualité en plus de détails. On va y aller maintenant avec la toune de DJ Day Four Hills. François Marginan au micro. Alors, on a appris cette semaine que la Première Guerre mondiale prenait fin de façon officielle. Alors, pourquoi qu'on a publié une nouvelle à cet effet-là? C'est parce que on a terminé au niveau de l'Allemagne de payer son montant de réparation qui a été imposé par les Alliés à la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, on se rappelle que l'Allemagne avait été forcée de payer des réparations après le traité de Versailles en 1919 comme compensation pour les ravages qui ont été causés dans les nations de la Belgique, de la France, et aussi pour payer les Alliés une partie des coûts qui avaient été engendrés pour mener cette guerre, ce conflit très sanglant. Donc, qui avait causé environ 10 millions de morts, alors chez les soldats seulement, alors sans parler même des populations. Donc, le montant sur lequel on s'était mis d'accord en 1919, en fait, on s'était mis d'accord, on avait carrément, c'est quasiment une fraude, ça, hein? C'est cette histoire-là, là, quand on commence à vraiment fouiller les livres d'histoire et tout ce qui s'est passé là, on se rend compte que finalement, c'est quasiment des dealings de mafieux, ça, là, hein? On a cassé la gueule à quelqu'un. Et puis, après ça, bon, il a dit, écoutez, c'est vous autres là, qui devez payer ça. Donc, ça se remonte, c'est un montant qui s'est monté à environ 22 milliards de dollars à ce moment-là. Donc, vous savez, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À l'origine, c'était censé être 226 milliards de Reichsmark. Qui a été réduit un peu plus tard à 132 milliards, sauf que, vous savez, il y a toujours des intérêts à payer là-dessus, C'est une histoire assez particulière, là. Je veux dire, c'était vraiment une trappe là, pour essayer de détruire l'Allemagne à la Première Guerre mondiale. Hein. Quand on commence à regarder ça, là, c'est vraiment c'est une histoire d'attrape-nigaud qui a coûté très, très cher et qui a coûté aussi des millions de vies absolument pour rien. Quand on fait aussi plus en détail l'histoire, on se rend compte que ces fameux banquiers privés-là, en plus, ont financé les deux côtés. C'est tout dans la même affaire. Dans les guerres majeures, on se retrouve avec les banquiers privés qui financent les deux côtés. Grosso modo, là, vous devez comprendre là, que quasiment le seul but, la seule raison pour laquelle on finance ces guerres-là, c'est pour plonger les nations qui s'en vont en guerre très profondément dans la dette envers les banquiers. Puis après ça, ben, ça nous permet de les garder là, en position de soumission. On commence à ce moment-là à mettre le pied dans la porte, tu sais, les banquiers privés qui s'immiscent dans ces pays-là et gagnent le contrôle carrément là, de la politique de ces pays-là. Donc, c'est un vieux stratagème que les banquiers privés utilisent depuis des centaines d'années. Rien de nouveau sous le soleil. Et puis là, on apprend qu'écoutez, on est en 2010, l'Allemagne vient de finir de repayer ses réparations-là. Donc, c'est assez honteux de voir ça. Alors, vous devez comprendre que les banquiers, vraiment, ils s'en foutent carrément de savoir quel côté gagne, quel côté perd la guerre. Parce qu'en réalité, les deux côtés vont s'endetter et vont être imposés des dettes qui permettent aux banquiers, finalement, de rendre esclave la population du monde entier. Donc, voilà, la chose est dite, c'est vraiment comme ça. Et dès que là, maintenant, vous savez, là, les dettes maintenant des premières guerres mondiales sont payées. Pour les banquiers internationaux, ça va être le temps de partir une nouvelle guerre mondiale. Hein? Il faut repartir le cycle des dettes et puis de l'esclavage qui est lié. Et puis, ça avait été d'ailleurs, il y a un bon film qui s'appelle L'International ou The International en anglais, vous allez retrouver là, sur les nouvelles internationales un petit clip là, en MP3 que vous pouvez retrouver. Il y avait une passe dans ce film-là qui était bon quand même, là, disons-le, mais il y avait quelques passes dans le film où on révélait réellement la réalité, la vérité par rapport à ça. Et vous avez à un moment donné les deux acteurs principaux qui interrogent un banquier qui leur explique là, la raison de pourquoi ils financent l'armement, ils financent les guerres. Et puis le banquier leur dit directement dans la figure, il leur dit, écoutez, l'essence même de l'industrie bancaire, peu importe quelles sont les nations ou les individus, c'est de rendre ces gens-là esclaves à la dette. Okay? Donc, réellement, c'est un stratagème pour enrichir les banquiers privés et leur donner un pouvoir immense sur les nations qui doivent, après ça, ces dettes-là à ces banquiers internationaux. Alors, allez retrouver ça, vous allez retrouver ça. Ensuite, vous avez une nouvelle ici assez intéressante qui a été publiée chez le Daily Mail en Angleterre, où on apprend que des animaux reviennent du royaume des morts. En réalité, ce qu'on essaie de vous dire, c'est qu'on a un tiers des animaux qu'on avait jugés comme extincts qui sont revenus, qui sont encore là en réalité. Vous avez des conservationnistes qui ont finalement estimé avec exagération le nombre d'espèces qui avaient été conduites à l'extinction. Alors, on s'est rendu compte que finalement, on avait un tiers de toutes les espèces, les mammifères qui ont été déclarés comme extincts dans les derniers siècles, qui finalement sont encore vivants, sont encore là. Donc, vous voyez, bien souvent, là, on dramatise les choses beaucoup plus qu'elles le sont. Et puis, ça, c'est quand même une nouvelle assez intéressante. Allez voir ça aussi. Vous avez à Toronto un juge, lui, là, qui a fait tomber la fameuse loi sur la prostitution au Canada. Ça aussi, c'est assez intéressant de voir ça, dans le sens où, écoutez, on est en train de réaffirmer, notre liberté ici, puis de protéger la Constitution, de protéger le droit des gens. La prostitution, je dis, je suis pas nécessairement d'accord avec ça, mais il faut quand même être, logique là-dedans. C'est le plus vieux métier, de la planète, hein, c'est ce qu'on dit. C'est assez spécial parce que c'est légal de mener la guerre au monde, c'est légal des compagnies privées de manufacturer puis de profiter des guerres, mais c'est illégal de vendre du sexe. Alors, tu sais, je veux dire, dans l'époque un peu capotée dans laquelle on est, je veux dire, les paradoxes sont très nombreux et les deux poids, deux mesures sont irréconciliables. Alors, ça, c'est quand même une bonne nouvelle ici dans le sens où on commence à rétablir la balance des choses. Et on se rend compte maintenant que là, au Canada, maintenant, la prostitution est légale en autant qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle là, des pimps, là, c'est-à-dire des macs, je crois qu'ils appellent en France, alors des gens qui gèrent ces prostituées-là. Alors ça, c'est illégal. Mais si une femme ou à la limite, là, un homme veut se prostituer par lui-même, qui a son propre réseau et puis tout, ben, à ce moment-là, c'est légal maintenant au Canada. Donc, on vient de faire tomber cette loi-là, et vous devez comprendre que dans tous les lieux où on a légalisé la prostitution est beaucoup plus sécuritaire. On teste ces gens-là qui pratiquent ce métier pour les maladies transmises sexuelles. Alors, vous savez, c'est dans le fond de quoi qui est positif, là. Je veux dire, ça protège les gens qui pratiquent ce métier-là au lieu d'aller en underground puis être soumis à des pimps. Alors, ça, c'est assez intéressant. Donc, vous allez aussi trouver les nouvelles à propos de ça sur les nouvelles internationales. Ça a été publié dans le journal torontois de Star. Ensuite, on va parler un peu de ce blocus illégal, ce blocus de la bande de Gaza qu'opère Israël. Et vous avez une flottille qui a essayé de la percer. Alors, les flottilles qui se multiplient. C'est très bon. Plus Israël va opposer de résistance, plus ils vont révéler leur visage hideux à la communauté internationale. Alors, merci Israël d'opérer un blocus de la bande de Gaza. Merci de vous tirer dans le pied. Merci de vous détruire, de vous autodétruire publiquement. Alors, c'est fantastique. Continuez à opérer ce blocus illégal de la bande de Gaza. Continuez de les affamer. Continuez d'empêcher les médicaments et puis les vivres et les matériaux de construction et puis le matériel scolaire d'entrer en Palestine. OK? Donc, continuez de résister. Continuez de jouer les gros toughs, les gros bras, parce que là, vous avez des gens courageux, j'en ai parlé un peu la semaine passée, des Juifs qui sont partis sur un bateau dont vous aviez, écoutez, là, vous avez des gens qui étaient sur le bateau qui avaient autour de 60 ans, OK? Donc, c'est vraiment pas des gens très dangereux, là. Des Juifs dont certains étaient même des survivants de la Deuxième Guerre mondiale et, bon, de la Shoah. Peu importe ce qu'on en pense de la Shoah, ces gens-là, quand même, ont vu un peu la misère et savent de quoi il s'agit. Puis ces gens-là se sont embarqués très courageusement, ces Juifs-là, sur ce bateau pour essayer de défier le blocus israélien. Et même si c'est des Juifs, vous avez évidemment l'État d'Israël qui ne peut pas jouer la carte de « Oh, c'est des terroristes, c'est des gens qui cachent des armes et puis tout. » Sauf qu'on est quand même monté à bord de leur petit bateau, et puis on a utilisé une force vraiment qui dépasse la mesure. Alors, tout le temps de la force brute, brutale. Alors, merci Israël d'utiliser la force brutale contre des Juifs en plus, je veux dire, incroyable. Alors, non seulement on utilise maintenant la force contre des forces internationales, contre des gens, même les Américains, un Américain qui a été tué à bout portant, mais là, on utilise cette force-là contre les Juifs. Alors, merci d'utiliser la force contre tous ces gens qui veulent apporter de l'aide à la bande de Gaza, parce que vous révélez votre face hideuse de monstre, de criminel. OK? Je veux dire, ça peut pas être plus clair que ça. Donc, ce que ça fait, c'est que ça force ces psychopathes à se révéler au grand jour, à lever la visière, et puis à ce moment-là, on peut apercevoir leur visage. OK? Donc, vous devez comprendre que la majorité des occupants de ce bateau-là étaient au-dessus de 60 ans, avaient au-dessus de 60 ans, et puis on utilisait des tasers sur ces gens-là, on utilisait beaucoup de force, et puis on les a amenés après ça en interrogation pour les relâcher ensuite, sauf que vous avez des récits que vous pouvez lire. Alors, je vous ai mis en lien là les articles les plus importants où vous allez être capable de voir les récits de ces gens-là, de ce qui s'est passé sur leur bateau. Vous allez voir que c'est assez triste de voir comment qu'on traite les gens. Donc, imaginez si ces gens-là n'avaient pas été juifs en plus, ils auraient été probablement été tués ou ben non, subi un traitement encore beaucoup plus brutal que ce que ces gens-là ont subi. Sauf que ça parle. Écoutez, c'est fantastique de voir ça. Je veux dire, ça parle volume, ça parle énormément par soi-même. On a eu au Canada ici, on va parler un peu là, de l'influence israélienne ou l'influence juive dans les médias et puis sur la scène publique, dans la politique. C'est toujours des sujets bien sensibles. Dès qu'on touche à ça, on se fait traiter de raciste ou d'antisémite. Alors, merci de nous traiter encore là de tous ces termes-là pour vous révéler pour qui vous êtes, pour des vrais connards, des vrais psychopathes qui ne sont pas capables de comprendre ce qui se passe. Alors, merci d'attaquer les gens, de détruire des carrières, de détruire des vies comme ça, dès que les gens critiquent un pouvoir indu, un pouvoir... Je dirais un pouvoir immoral, des façons de faire qui sont terribles, OK? Alors, merci de vraiment vous afficher publiquement comme ça, les gens vont pouvoir vraiment prendre un bon regard, là, vraiment, là, se rincer l'œil, là, vous regarder aller et voir comment que vous allez agir. J'ai d'ailleurs un article sur Sans-Papiers, les 7 du Québec et les Nouvelles internationales qui s'appelle Le mouvement juif néoconservateur du trotskisme au bellicisme sioniste. Alors, un article assez important au niveau historique qui rétablit certains faits sur la nature, sur l'essence même du mouvement néoconservateur aux États-Unis, qui est intimement lié, ou je dirais qu'il y a à sa tête beaucoup de juifs ou de pro-israéliens ou de sionistes. Okay? Donc, évidemment que le danger là-dedans, c'est de tout le temps généraliser, hein, donc il faut éviter les généralisations. Comme je vous dis, vous avez énormément quand même d'Israéliens, de Juifs qui sont vraiment du monde lucide, très bien éveillés, avec un cœur énorme. Et puis, je veux dire, moi, je lève mon chapeau à ces gens-là. Sauf que dans toutes les cultures, dans toutes les races, dans tous les mouvements politiques, dans tous les mouvements idéologiques, vous avez des connards, vous avez des psychopathes, vous avez des malades mentales. Puis ça, je veux dire, c'est pas parce qu'ils sont russes ou parce qu'ils sont du Zimbabwe, de la Tanzanie, de l'Australie ou ben non de l'Indonésie ou peu importe là. Je veux dire, peu importe la provenance de ces gens-là, il faut les critiquer quand on se retrouve en face de psychopathes qui causent énormément de tort, énormément de dommages et dans certains cas énormément de mortalité. Parce que là, vous devez comprendre que le mouvement néoconservateur est à l'origine de ce qui se passe au Moyen-Orient. Je veux dire, on parle là, de millions de morts, là, OK? Au moins 1 million de morts en Irak et en Afghanistan. Au moins, OK? On parle d'un gros minimum, là. On va facilement là, frapper les 1,3, 1,5 millions de personnes qui ont été tuées directement à cause de ces guerres-là. Et il a été établi même par des journaux israéliens. OK, vous avez le Haaretz, qui est un journal israélien, quand même très populaire, très majeur en Israël, qui a avoué d'ailleurs ce fait-là. Alors, je veux dire, ça devient un peu difficile là, d'accuser les gens qui vous pointent la vérité, de les traiter d'antisémites ou de racistes, parce que, évidemment, ces nouvelles-là, on les prend directement dans les médias israéliens. Alors, à un moment donné, si on traite ces gens-là d'antisémites, ben c'est parce que le Haaretz et puis les journalistes israéliens sont antisémites aussi. OK, là, vous devez comprendre à un moment donné la logique de tout ça, là. Et puis, dans un de ces articles-là du Haaretz, on disait que justement, ceux qui étaient à la tête de la guerre en Irak, de ceux qui avaient énormément influencé et probablement préparé et fait en sorte que cette guerre-là puisse être possible, se trouvaient 25 têtes juives. Alors, des gens qui sont pro-Israël ou des juifs. Et puis, ça, c'est un fait quand même assez troublant. Imaginez si vous aviez eu comme ça un mouvement, je sais pas comment il s'appelait. Néo-Allah, je sais pas, là, vraiment un nom complètement débile, là, mais je veux dire, imaginez, vous aviez eu un mouvement politique aux États-Unis qui aurait été dirigé par 25 têtes islamistes radicaux, et puis qu'on avait parti une guerre contre Israël et puis contre tous les Juifs du monde. Je veux dire, les gens, écoutez, là, on hallucinerait ben raide du bout de notre chaise, là, je veux dire, ça c'est bien évident. Sauf que là, quand c'est des Juifs, ouh, là, le sujet devient vachement plus sensible, et puis là, écoute, on touche pas à ça. Vous savez, même vous avez un journaliste là, de CNN qui a été renvoyé cette semaine pour avoir justement critiqué le pouvoir juif dans les médias, Monsieur Rick Sanchez, si je me rappelle bien. Alors, voyez ce pouvoir-là qui est partout, ce pouvoir-là qui est, on dit, on peut pas dire que les Juifs contrôlent les médias, on peut pas dire que les Juifs contrôlent Hollywood, alors que vous avez des articles, vous avez des informations qui viennent de des journaux, des publications, qui viennent de des plumes israéliennes ou juives elles-mêmes. Alors, moi, je prends les sources, là, vraiment, là, pour être blindé, là, je prends carrément les sources qui viennent de leur bouche eux-mêmes. Alors, si vous me traitez d'antisémites pour révéler ces informations-là, eh bien, c'est vous révéler mes sources qui sont juives et israéliennes comme étant des antisémites eux-mêmes. Alors, vous avez un sérieux problème si vous voulez faire ça. Alors, je vous mets en garde. Et vous allez trouver cet article-là, comme je vous disais, là, très, très, très important, allez voir le mouvement juif néoconservateur du trotskisme au bellicisme sioniste. Alors, vous devez aller voir ça et comprendre ce qui se passe derrière toute cette histoire-là. Et puis, vous allez comprendre que si on peut parler d'antisémitisme, eh bien, peut-être qu'il faudrait parler d'anti-gentilisme, hein, les gentilismes qui sont tous les noms juifs dans le monde. Alors, allez voir ça. Et puis, ces gens-là, vous voyez, il y a tout le temps des doubles standards incroyables. Si vous avez une publication israélienne qui fait des bandes dessinées à propos de des islamistes, ben ça, c'est correct. Si vous avez des médias occidentaux qui présentent Allah d'une façon vraiment indécente et complètement immoral, eh bien là, ça c'est correct parce qu'on appelle ça la liberté d'expression. Mais par contre, si vous faites des petites bandes dessinées ou des dessins qui froissent un peu le pouvoir israélien ou juif, eh bien là, vous allez avoir des gens comme l'avenir Brit Canada, des groupes comme l'ADL, des groupes comme ça qui vont tomber sur votre dos et puis qui vont vous demander des explications. Ils peuvent même vous ruiner, détruire votre carrière, OK? Alors, vous avez eu dans une presse un petit dessin comme ça qui montrait le Parlement canadien avec en haut de la tour une étoile de David. Alors ça, c'est assez incroyable. On voit l'étoile juive qui a été dessinée dans l'horloge du Parlement qui a choqué le Bnei Brit. Et puis, pourtant, c'est la réalité. Vous allez voir la photo du Parlement qui a bel et bien une étoile à 6 points dans le Parlement. Alors, c'est assez incroyable. On a demandé à ce journal du Québec de retirer ce petit dessin et puis de donner leur excuse. Alors, c'est assez incroyable. Et puis, vous voyez, ben, c'est ça, on essaie de partir des faux scandales comme ça. On se scandalise des affaires qui, finalement, sont réelles. Vous allez voir la photo réelle de la tour du Parlement. Là, je veux dire, réellement une étoile là-dedans. Puis, en plus, ben, vous avez Bernie Farber qui, lui, a rejeté l'idée que, justement, ce petit dessin était antisémitique. Puis ça, ce monsieur-là, eh bien, il se trouve être le directeur du Congrès juif canadien. Alors, lui, il a révélé dans les médias que, finalement, le Bnei Brit capotait pour rien, que, finalement, le dessinateur était un ami de la communauté juive qui avait absolument rien à s'en faire avec ça. Alors, voyez comment qu'on crée tout le temps, justement, ces petites zones sensibles là de façon complètement artificielle et injustifiée. Ensuite, vous avez aux États-Unis une nouvelle assez troublante où on voit que la Chambre américaine, la Chambre du Congrès, vient de mettre, si vous voulez, la supervision des océans et puis des côtes américaines sous la surveillance des Nations Unies. Ça aussi, c'est assez spécial. Vous avez ce genre de mouvement de prise de contrôle par des internationalistes. Donc, on parle ici là, de l'ONU, on parle de différents organismes, de différents individus et groupes comme ça internationaux qui, peu à peu, sont en train de prendre le contrôle de différentes nations, dont les États-Unis. Et ici, on a un projet de loi qui s'appelle le HR 3534, qui s'appelle le Clear Act. Et ceci est un projet de loi qui est designé par les globalistes pour donner le pouvoir sur les terres, les océans et puis les masses de territoires qui sont adjacents au Grand Lac ici à un corps international et qui font en sorte que les États-Unis vont devoir payer plus de 900 millions de dollars par année jusqu'à 2040. Okay? Donc ça, c'est assez troublant là, comme nouvelle. Et puis, à ce moment-là, vous allez voir différentes affaires se passer. Là. Donc, vous avez différentes législations qui vont changer. Et vous avez aussi, là, de façon plus importante, là, la juridiction qui va changer, c'est-à-dire qu'on va mettre sous contrôle ces morceaux de terre et d'océan-là, sous contrôle du traité des océans, de la loi maritime, OK? Sans que on est le 2/3 du Sénat américain qui ratifie ça. Alors, voilà qui est complètement anticonstitutionnel et on est en train de dissoudre la souveraineté des États-Unis dans un corps international. Une tendance très lourde. Alors, allez voir ça. Un autre sujet assez troublant dont je voulais vous parler, c'est ces nouvelles qu'on voit apparaître un peu partout dans les médias. Puis quand je vous dis un peu partout, là, c'est dans les grands médias. C'est les ovnis, les UFO en anglais, hein, les extraterrestres. Ça, c'est assez particulier. Vous allez voir, là, je ne sais pas si vous suivez là, les médias internationaux, là, voir ça un peu partout, comment ça se passe, là. Mais on parle d'ovnis partout, dans les grands médias. Okay? Donc, il y a quelques années, on riait de vous, on vous ridiculisait, on vous traitait de malade mental, de n'importe quoi. Je dirais, hey, le gars, il a vu des ovnis, aïe aïe, tu sais, il a besoin de ses médicaments, l'autre, il hallucine, l'autre, il est en train de vous tromper. Je veux dire, on riait de ça de façon très claire, là. Je veux dire, c'est comme on balayait ça du revers de la main, puis on disait, non, non, non, voyons donc, des ovnis, voyons donc. Et puis là, badang, tout d'un coup, là, je dirais, ça fait un bon 3 semaines, 4 semaines, là, ça s'intensifie. On parle d'ovnis partout, même à Montréal. Là, c'était une autre nouvelle que j'ai vue ce matin. Je crois que c'est en Chine exactement, où apparemment on a eu plusieurs ovnis qui ont été rapportés durant les dernières semaines et derniers mois, depuis le mois de juin, je crois. Et on parle de ça partout, là. Là, vous avez même des généraux de l'armée qui disent, ah oui, vous avez même des extraterrestres qui ont désactivé le système, l'arsenal nucléaire américain dans le passé. Là, vous avez un paquet de révélations d'un côté puis de l'autre où on vous dit que, là, écoutez, là, hey, les ovnis, ça existe, là. Je veux dire, il y en a partout. Regardez ça. Et ça, c'est assez spécial. Vous avez même eu une genre de nouvelle, là, je crois que c'est dans le milieu de la semaine passée ou il y a 2 semaines, où apparemment que les Nations Unies avaient nommé un ambassadeur, celui qui serait nommé pour entamer des discussions si jamais des extraterrestres venaient qu'à débarquer sur la planète Terre. Alors, on avait nommé une personne, cette personne-là aurait été responsable d'entamer les conversations. Et puis là, après ça, vous avez l'ONU qui a dénié ça. Là, on a dit non, non, non, c'est pas vrai, on n'a jamais pensé à faire ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'affaires qui se passent. Et puis on se demande à ce moment-là pourquoi. Donc, est-ce que c'est parce qu'on est en train de préparer la population mondiale au fait que ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a des extraterrestres, qu'on est en contact, qu'on en a vu, que l'armée est au courant de ça, qu'on a des programmes militaires qui ne font que ça, suivre ce dossier-là. Apparemment qu'on aurait même des technologies qui descendraient de contact comme ça avec des extraterrestres. Alors, évidemment que personnellement, j'ai aucune preuve de ça, sauf que c'est ce qu'on affirme. Mais là, on se demande si on est en train de préparer la population mondiale à ça, ou moi, je vous mets en garde, là, je veux dire, vous allez trouver aussi quelques articles relatifs à cela. C'est que vous avez aussi peut-être un certain agenda qui se cache derrière ça, OK? Vous avez des plans qui ont été écrits, OK? Des documents là, qui sont écrits noir sur blanc, des documents de globalistes, d'internationalistes, des gens comme Henry Kissinger, H.G. Wells, des gens qui ont écrit le rapport de Iron Mountain, je ne sais pas si vous connaissez ça, des gens qui ont écrit que vous avez aussi le Project Blue Beam, ok? Donc ça, c'est des projets militaires qui existent. Et puis on avait déjà préparé comme ça un scénario où on utiliserait des images holographiques dans le ciel qui seraient créées carrément là, par l'armée. Pour créer une illusion qu'une autre vie, une vie de l'espace est en train de débarquer sur la planète Terre, et puis à ce moment-là, créer une panique générale sur la planète Terre, et puis unifier la planète Terre sous un gouvernement mondial. Alors ça peut paraître complètement débile ce que vous entendez là, en ce moment là. Ça peut vous dire là, vous êtes le gars, il est conspirationniste, là, il est parti, lui, là, il a fumé du bon stock. Tabarnane. Ce que je suis en train de vous dire, c'est des documents gouvernementaux, OK? C'est des gouvernements militaires, c'est-à-dire c'est des documents militaires qui existent. Vous avez des documents d'organisation mondiale, OK, que vous pouvez aller trouver et lire vous-même, qui ont été révélés, qui ont été déclassifiés. Je veux dire, c'est pas des histoires de conspirationnistes sur un site web de pété que je suis en train de vous déballer là, ok? Je suis en train de vous dire des affaires qui existent déjà. Vous aviez l'élite qui, à un moment donné, en sont venus au constat que pour instaurer leur gouvernance globale, ils étaient pour utiliser différents scénarios. Peut-être différents scénarios auraient pu être appliqués pour faire en sorte qu'on pousse les gens à demander une gouvernance globale, ok? Donc, non pas à les forcer à le faire, mais tout simplement à les mettre dans une situation assez chaotique, assez épeurante que ces gens-là demanderaient d'eux-mêmes cette gouvernance globale. Un des scénarios était le réchauffement climatique. Ah ben alors, ça fait depuis les années 60-70 qu'on prépare ça, puis qu'on dit qu'on pourrait épeurer la planète entière avec des changements catastrophiques climatiques, et puis faire en sorte que les gens se rallient en une cause globale, et puis qu'on donne le pouvoir à une clique mondiale. Okay? Donc ça, c'est un des scénarios. On avait pensé créer des guerres mondiales, des scénarios de catastrophes économiques ou environnementales. Mais un des scénarios aussi, c'était de créer justement une fausse invasion d'ovnis, d'extraterrestres sur la planète Terre. Okay? Un de ces projets-là, c'est Project Blue Beam. Vous avez même eu des situations où on a épeuré les gens pour en étudier la réaction de ces gens-là. D'ailleurs, vous rappelez, je ne sais pas si vous étiez au courant de ça, là, je crois que c'est dans les années 60, vous aviez eu un genre de test comme ça, on a dit que c'était une erreur, là, que c'est, on n'avait pas fait par exprès, puis finalement, on a les détails de ça. Il y avait pas mal plus de préméditation que ces gens-là l'avaient affirmé. On avait un programme aux États-Unis, un programme de radio, où on avait tout d'un coup, là, vous aviez les animateurs là, qui avaient dit à leurs auditeurs que là, les extraterrestres étaient débarqués, je crois que c'était à New York, et puis là, les gens, en entendant ça, ont commencé à paniquer, je veux dire, vous avez le programme de radio qui avait coupé, et puis là, je crois qu'à ce moment-là, il y avait une panne d'électricité, ou je sais pas trop, il y a quelque chose qui s'était passé, et puis les gens avaient littéralement paniqué, et puis à ce moment-là, on étudiait la réaction des gens, justement, à savoir qu'est-ce qui arriverait si on était pour annoncer un débarquement extraterrestre sur la planète Terre. Là, on est en train de jouer avec ça. Là, les médias qui ridiculisaient ceux qui parlaient des extraterrestres sont partout là-dessus avec les nouvelles d'extraterrestres. Et puis, on est en train de se demander ce qui se passe. Là, réellement, là, écoutez, là, vous avez les Nations Unies qui étaient pour apporter, pour mettre en place ce gouvernement global basé sur trois gros mensonges, trois grosses illusions incroyables. Et la première, c'est ce fameux effondrement financier global qui est créé de toutes pièces. Ensuite, vous avez eu l'année passée cette fameuse fausse pandémie du H1N1. Okay? Alors ça aussi, là, c'était vraiment une tentative là, de faire en sorte qu'on donne le pouvoir des souverainetés à un corps de santé international et puis qu'on puisse gérer la santé à partir d'un groupe global, international. Alors, voyez, là, peu importe là, qu'on essaie du niveau au niveau économique ou au niveau de la santé, on essaie de faire la même affaire, OK? C'est d'essayer d'instaurer un précédent avec des structures internationales qui vont transcender les souverainetés nationales. Et ben là, vous avez dernièrement aussi là, ce fameux réchauffement climatique causé par le CO2 qui avait pour but aussi d'instaurer des structures internationales qui était pour finalement transcender ces souverainetés nationales dont je vous parlais. Et la pandémie n'est jamais arrivée, ne s'est jamais matérialisée. Sur la planète Terre, on est en train de vivre un des plus difficiles hivers que la planète ait connu récemment. Je vais vous laisser là, dans les nouvelles là, une liste de pays et de régions où il fait froid, je veux dire, c'est complètement incroyable, là, je veux dire, qu'on parle encore de réchauffement climatique. Là, d'ailleurs, on a essayé de changer le terme, OK? Donc, là, on ne parlera plus de réchauffement climatique parce que c'est ben trop gênant. Il n'y a pas de réchauffement climatique depuis 8 ans. En fait, il y a un refroidissement, OK? Donc, on va changer le nom de ça. Soit qu'on va appeler ça les changements climatiques. Alors, changements climatiques, déjà là, c'est complètement ridicule d'appeler ça les changements climatiques parce que des changements climatiques, il y en a tout le temps. C'est la seule constante, c'est qu'il n'y a rien de constant dans le climat. Okay? Le climat est continuellement en changement depuis des millions d'années. Okay? Alors, commencer à prendre un phénomène naturel et puis après ça, tourner ça en un problème, puis de dire que vous devez payer des taxes, est complètement ridicule, OK? Et puis là, aux États-Unis, vous allez apprendre dans un autre article ici du Daily Mail que là, Barack Obama, l'administration Barack Obama, et puis le genre d'élite qui se cache derrière cette grosse fraude incroyable du réchauffement climatique causé par le CO2, là, ils ont l'air trop fous, donc on va changer la phrase par, en anglais, on appelle ça « Global Climate Disruption », OK? Donc, on pourrait appeler ça le grand dérangement du climat global, si vous voulez, en français. Là. Donc, j'y vais d'une traduction libre. Donc, on a tellement de problèmes à vendre ce dossier-là, de vendre cette fausse peur-là, que là, on est obligé de même changer le nom de cette histoire-là au complet. Donc, je veux dire, c'est complètement débile, là. Je veux dire, écoutez, là, c'est incroyable. Vous avez même en Grande-Bretagne un des corps scientifiques les plus importants qui, on vient de changer leur position, vient de l'adoucir énormément après que 43 de ses membres se sont plaints que les positions précédentes de ce groupe-là ne prenaient pas en compte les évidences qui étaient contre cette théorie-là. Alors, vous avez la Royal Society qui a changé justement sur son site Internet et dans ses documents la présentation du climat. Et puis là, on a dit que là, on a de très fortes évidences qui indiquent le changement climatique. Un changement climatique s'est produit sur la planète Terre et puis que là, blablabla. Bla, bla, bla. Mais finalement, là, écoutez, on est en train de vous dire que finalement, que c'est incertain, que ça peut aller des deux côtés, les changements climatiques, que le dossier n'est pas réellement terminé. Les scientifiques continuent de travailler là-dessus. Donc, vous voyez là qu'on est en train de finalement se réajuster et puis de comprendre que là, même dans les médias, là, on a beaucoup plus de médias qui sont prudents là-dedans. Donc, on n'avance plus aussi déterminé en disant que là, c'est les humains qui causent ça, blablabla. Vous avez un article ici avec un graphique là, qui parle que les glaces dans l'Arctique ont atteint leur plus bas niveau dernièrement. Et puis là, on est en train de battre des records, là, OK, dans l'article. Je veux dire, vous avez des données satellites qui vous montrent que finalement, les glaces sont en pleine expansion en Arctique, OK? Donc, je dis bien en Arctique, OK? Alors, voyez là ce qui se passe là. Donc, vous allez trouver un paquet d'articles là-dessus sur les niveaux de glace qui sont à la hausse. Vous allez voir aussi même les niveaux des océans qui sont en baisse. Alors voilà qui est carrément logique aussi. Les glaces s'accumulent en Arctique, donc les niveaux des océans baissent. Là, c'est un autre article qu'on a ici qui vient de l'Université du Colorado. Vous avez un graphique, vous allez voir les niveaux des océans qui ont baissé légèrement cette année. Là, vous avez connu des records froids en Alaska, l'hiver qui pourrait être très froid à cause de l'El Niño aussi, particulièrement à cause de ça, et puis des cycles avec le soleil, et puis de tout ce qui se passe ici, là, donc des cycles naturels où on se rend compte que l'hiver pourrait être très, très, très rude dans l'hémisphère nord. L'hiver a été excessivement rude dans l'hémisphère sud. Vous avez eu au Pérou, vous avez eu des 409 personnes qui sont mortes de pneumonie et d'autres maladies qui sont déclenchées par la très froide température. Plusieurs nouvelles, allez voir, là, 6 millions de poissons qui sont morts dans une vague de froid en Bolivie, des chutes de neige record au mont Hotham. Qu'on n'a pas vu depuis au moins une décennie. Vous avez ici 45 cm de neige fraîche au mois d'août. OK, ça, c'est la nouvelle, vient du mois d'août, en 24 heures sur les glaciers suisses. Alors, des choses là qui ne se produisent pas aussitôt normalement. En Adélaïde, vous avez eu le plus froid hiver en 13 ans. Au Xinjiang en Chine, vous avez eu des neiges de 10 cm, en fait, d'épaisseur, des neiges très précoces. Birmingham a subi un très, très froid mois d'août, le plus froid en 23 ans. Ici, c'est en Angleterre qui dit qu'on a eu le mois d'août le plus froid depuis 17 ans. Vous avez eu des chutes de neige en Nouvelle-Zélande. Vous avez des chutes de neige au Canada au mois de septembre, OK, dans des places comme à Jasper, Marmot Basin en Alberta. 10 cm de neige le 20 septembre, ce qui est vraiment très, très précoce. De lourdes chutes de neige à travers le monde, même en Nouvelle-Zélande, comme je vous disais. Ensuite, vous avez Santa Monica, ici, des températures de froid record. Le dernier record remontait à 1949. Okay, ensuite, vous avez ici une série de records de froid aux États-Unis en 2010. Allez voir ça, la liste impressionnante. Le sud de la Californie qui s'est retrouvé avec un été qui a fini de façon très abrupte avec des fronts froids qu'on n'a pas connus depuis des décennies. Alors, vous avez, écoutez, c'est pas compliqué, là. On a connu des vagues de froid et puis des records dans toutes ces villes-là. London, New York, Hong Kong, Paris, Singapour, Tokyo, Sydney, Milan, Shanghai, Beijing, Madrid, Moscou, Séoul, Toronto, Bruxelles, Buenos Aires, Mumbai, Kuala Lumpur, Chicago, Warsaw, Sao Paulo, Zurich, Amsterdam, Mexico City, Jakarta, Dublin, Bangkok, Taipei, Istanbul, Rome, Lisbonne. Vous avez Stockholm, Prague, Vienne, Budapest, Athènes, Caracas, Los Angeles, Oakland, San Diego, Washington, Melbourne, Johannesburg, Atlanta, Barcelone, San Francisco, Manila, Bogota, Tel Aviv, New Delhi, Dubaï, Bucarest, Oslo, Berlin, Helsinki, Genève, Copenhague, Riyad, Hambourg, Le Caire, Luxembourg, Bangalore, Dallas, Kuwait City, Boston, Munich, Jeddah, Miami, Lima, Kiev, Houston, Gangzhou, Beyrouth, Karachi, vous avez Sofia, Montevideo, Nicosia, Rio de Janeiro, Ho Chi Minh City, Montréal, Nairobi, Bratislava, Panama City, Chennai, Brisbane, Casablanca, Denver, Quito, Stuttgart, Vancouver, Zagreb, Manama, Guatemala City, Cape Town, San Jose, Minneapolis, San Diego, Seattle, vous avez Perth, Kolkata, vous avez Antwerp, Philadelphia, Rotterdam, Amman, Portland, Lagos, Détroit, Manchester, Wellington, écoutez, là, je dis, San Diego, Islamabad, Birmingham, Doha, Calgary, Almaty, Columbus, OK, je dis, des froids, des vagues de froid partout, là, je veux dire, est-ce que le réchauffement climatique, c'est quoi, là, c'est quoi l'affaire, là, c'est quoi leur maudit problème avec ça, là, je veux dire, l'Australie, des vagues de froid qu'on a connues, de la pluie, Calgary, on a eu des chutes de neige, je veux dire, écoutez, là, des nouvelles, là, allez voir ça, là, c'est incroyable, là, donc... Qu'est-ce qui se passe avec ça? Vous avez même le 58e meeting des Bilderberg qui a été tenu en Espagne le 6 juin dernier, où on a dans leur document, OK, dans le plan de match là, qui était pour être discuté, là, on parlait des sujets qui étaient à l'ordre du jour de la conférence des Bilderberg. On était pour parler de la réforme financière, de la sécurité, donc la cybertechnologie, de l'énergie, Pakistan, l'Afghanistan. On était pour parler de le problème de nourriture internationale et aussi du refroidissement climatique. Incroyable. OK? Donc, dans le sommet des Bilderberg, on était parlé de refroidissement climatique. Right? Vous comprenez? Donc, ça veut dire deux choses. C'est soit que c'était une erreur d'imprimerie, ou c'est soit que l'élite globale est parfaitement consciente qu'un refroidissement climatique représente une menace imminente et beaucoup plus sérieuse que le réchauffement du climat global. Et puis que ces gens-là, jusqu'à date, n'ont pas osé encore admettre ce fait-là, sauf derrière des portes closes à huis clos. OK? Alors, voilà pour tout ça. Je veux dire, c'est quand même assez surprenant. C'est réchauffement climatique, là. Il n'y en a pas de réchauffement climatique, all right? Et puis, là, après ça, ben vous avez, comme je vous disais, cette élite globale qui n'est plus capable de s'accrocher à tous ces grands mensonges, à toutes ces grandes fraudes. Et puis là, il semble que ces gens-là se soient lancés dans une nouvelle peur internationale des extraterrestres. Il semble, n'est-ce pas incroyable? Donc, voilà, on touche à la fin de l'émission. Une autre étude ici qui montre que les athées savent plus, connaissent plus à propos des religions que ces gens qui croient en différentes religions. Alors, vous avez ici, là, un tableau où on montre que les athées n'en connaissent plus sur les religions que les juifs, les mormons, les évangéliques protestants, les catholiques. Très, très intéressant. Ça vient du Pew Research Centers. Alors, on va s'arrêter ici. C'est tout. Nous, on manque de temps. Donc, on va se retrouver la semaine prochaine avec le reste des nouvelles de l'actualité. On va parler de d'autres choses aussi. C'est bien possible qu'on ait notre entrevue avec John Turmel. Donc, ne manquez pas ça. Si c'est pas la semaine prochaine, ça va être l'autre d'après. Donc, moi, je vous salue bien bas. C'était François Marginat pour l'Autre Monde. Portez-vous bien. Soyez en santé. Soyez heureux. Ciao! Merci.